puis, on vient de l'apprendre, après qu'il ait roulé à 52 km/h en ville, un désespéré a bu un verre de vin en fumant une cigarette. Il est allé ensuite faire la bise à un pote et tousser dans un endroit public. Cette confusion mentale, due certainement à un cancer de la prostate puisqu'il s'était masturbé la veille. Le procureur de la République de la Moselle l'a évidemment mis en examen. Regardez! Aller en prison, y'a des choses à ne pas lire sans l'aval du patron.